Michel Nicolaï. Mon premier crime. Chapitre premier. Il entra dans la pièce, l'enveloppa de ses bras musclés, la souleva de terre et plaqua sur ses joues une pluie de baisers pressés. Chaque soir, lorsqu'il rentrait, c'était le bonheur qui faisait apparition en même temps que lui. Depuis qu'Annette l'avait épousé, il y avait à peine 2 ans, la vie avait pris un sens nouveau. Elle oubliait parfois son passé. Jacques, son sourire triomphant, sa netteté, son regard qui cherchait les êtres bien en face, sa voix chaude, Jacques était le présent, le cher présent. Pourtant, à cette minute même, elle se sentait mal à l'aise. Tout en écoutant son mari qui lui racontait sa journée, elle pensait à autre chose. Il avait enlevé sa veste et se lavé les mains. La chemise échancrée sur son torse bronzé, les cheveux en désordre, elle ne l'avait jamais vu si parfaitement beau et fort. Et elle trembla à l'idée qu'un jour elle pût le perdre. « Voyons, tu ne m'écoutes même pas !» protesta Jacques. « Mais si, tu disais que nous pourrions dîner sur la terrasse. Il fait merveilleusement bon ce soir. Tu as raison. »« Bon, te voilà revenu sur terre. » « Tu ne t'es pas trop ennuyée aujourd'hui ?» Elle protesta très vite. « Je ne m'ennuie jamais. » Jacques était architecte. Tous les matins, il se rendait à la ville pour travailler à son bureau. Mais le soir, il retrouvait avec plaisir sa maison, une vieille gentilhommière qu'il avait restaurée et meublée avec un goût sûr. Elle était accrochée au flanc d'une colline, couverte de peupliers bruissants. Des milliers d'oiseaux y faisaient entendre leurs cris. Il aimait ce coin paisible, la vie à deux. Mais parfois, il s'inquiétait pour sa femme. Elle était toute jeune, d'aspect fragile, un peu rêveur, avec, dans ses yeux clairs, une flamme qui brûlait intensément. Elle sortait très rarement, elle avait peu d'amis, et parfois, il se reprochait de ne lui donner qu'une existence terne. « Je me demande ce que tu peux faire quand je suis loin, » continua-t-il. « Je m'occupe de la maison avec Martine. Je fais du jardinage, je lis et je rêve. »« Hum, quand une femme rêve, c'est toujours dangereux pour le mari. » D'un baiser, elle lui ferma la bouche. Le dîner fut très gai. Après le café, Jacques réclama un journal du soir. « On ne les a pas reçus aujourd'hui, » dit-elle d'une voix qui se voulait indifférente. « Mais voyons, ce n'est pas possible. J'ai rencontré le facteur en revenant. J'ai même arrêté la voiture pour lui parler. »« Il y avait 2 lettres pour toi. Elles sont dans l'entrée. Mais pas de journaux. »« C'est embêtant. »« Voyons, tu peux te passer d'une feuille imprimée. Bavardons encore. » Il n'insista pas. Elle crut qu'il avait oublié. Mais quand Martine, la servante, une fille robuste et saine, vint pour débarrasser la table, il lui demanda tout de trac « Apportez-moi un journal, il y en a certainement un dans la cuisine. »« Bien sûr, monsieur. » Annette parut ne rien entendre de la conversation. Elle avait allumé une cigarette et suivait les volutes qui se perdaient dans l'air bleuté du soir. Un froissement de papier la ramena à la réalité. Elle écrasa la cigarette et attendit. Après tout, ce qu'elle avait fait n'était pas grave. Jacques comprendrait. Juste à ce moment, il poussa une exclamation. Sur la page qu'il lisait, s'étalait en très grand le portrait de sa femme. Avidement, il parcourut le texte qui l'accompagnait. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit de tout cela » questionna-t-il. C'était sans importance. Qu'avait-elle fait, en somme? Lasse de son inaction, elle s'était amusée à participer à un grand concours de romans policiers. Et elle venait de recevoir le premier prix. Un journaliste local avait retrouvé sa trace par l'éditeur et les 3 journaux de la région lui consacraient la première page. Les quotidiens de Paris parlaient d'elle, quoique plus brièvement. En quelques mots, elle expliqua la chose à Jacques. Mais ce dernier semblait perplexe. Comment as-tu pu inventer une histoire semblable, torturée et sombre, à ce qu'en disent les critiques? comment a-t-elle pu naître en toi ? Il avait eu peu d'aventures dans sa vie, car il craignait les femmes obscurément. Mais Annette, tout de suite, l'avait conquis par son air calme, son front têtu, sa joliesse encore enfantine. Il se connaissait depuis 2 semaines à peine qu'il avait décidé qu'elle serait sa compagne. Et voilà que la femme qu'il avait choisie était autre qu'il avait cru, et voilà qu'il était maintenant en face d'une étrangère qui enfantait des personnages monstrueux. Encore, si tu avais écrit un roman d'aventure, je comprendrais. Mais a-t-on idée de cela, mon premier crime par Annette de Jean ? Ton nom, notre nom, a collé à ce mot ? J'avoue que je suis choquée. Elle tenta d'expliquer. J'avais surtout pensé à me distraire, à fabriquer un problème policier et à le résoudre. Je ne pensais pas recueillir le premier prix. Tu as un manuscrit de ton chef-d'œuvre ? Oui, mais je préférerais que tu ne le lises point. Il ne fallait pas l'écrire dans ce cas. Veux-tu me l'apporter dans le salon ? Il est temps de rentrer, car il commence à faire froid. D'un pas de somnambule, elle se dirigea vers sa chambre. Bientôt, elle était assise en face de lui, fumant une autre balto, tandis qu'il se plongeait dans la lecture des pages dactylographiées. « Quelle idée d'avoir choisi le poison ! » dit-il tout à coup. « Tu pourrais, toi, te servir d'une arme pareille ?» Elle eut un rire bref. « Certainement pas, le revolver m'a toujours semblé plus propre. » Au même moment, elle rougit. Le regard de Jacques s'était instinctivement porté sur le tiroir d'un secrétaire où était remisé le revolver qu'il lui avait donné un jour pour se défendre contre de possibles agresseurs, car elle vivait dans un lieu absolument solitaire. « N'aie pas peur, se moqua-t-elle, je ne suis pas une criminelle et je n'ai personne à poursuivre de ma vindicte. » Sur ces mots, elle se leva et partit dans sa chambre. Avec des gestes machinaux, elle se déshabilla, sans accorder à son corps le moindre regard, et se glissa dans le lit en frissonnant. Ses pensées la tinrent longtemps éveillée. Tout était silencieux dans la maison. Pourquoi Jacques ne venait-il pas la rejoindre ? Pourquoi perdait-il un peu de ces minutes précieuses d'intimité ? Oh, ce livre, comme elle le détestait maintenant ! Et pourtant, à l'écrire, elle s'était sentie heureuse, soulagée même. Elle s'endormit. Lorsqu'elle se réveilla, 2 heures plus tard, elle s'aperçut que la place à côté d'elle était toujours vide. Elle passa une robe de chambre, courut au salon. Mais la lumière était éteinte. Peut-être Jacques était-il allé faire une promenade ? Non, la porte d'entrée était fermée. Elle remonta l'escalier à pas furtif. Devant une porte, elle s'arrêta. Le bruit d'une respiration régulière lui parvint. Jacques n'avait pas voulu la rejoindre. Il était allé dormir dans une petite chambre où il passait d'habitude la nuit lorsqu'il partait très tôt le matin pour la chasse. C'était la première fois qu'il semblait la fuir, la première fois qu'il ne lui donnait pas un baiser avant de plonger dans le sommeil. Elle se sentait tout à coup dépossédée de son bonheur. Elle regarda ses mains comme pour y trouver les débris de cette joie parfaite qu'elle venait de détruire inconsidérément. Elle pleura longuement avant de s'endormir à nouveau. Chaque matin, à l'accoutumée, son mari la réveillait d'une caresse rieuse. Elle eut conscience, dans son sommeil, de quelque chose d'inhabituel. En bas, dans la cour, Jacques mettait le moteur de sa voiture en marche. Il ne se retourna pas. Il ne vit pas le visage pâle écrasé contre la vitre et les yeux tristes qui le suivaient anxieusement. Annette comprima les battements de son cœur. Il fallait être forte. Tout n'était pas perdu. Elle lui expliquerait, il reviendrait vers elle. Maintenant, il boudait parce qu'elle avait fait une chose un peu incongrue, parce qu'elle avait caché sa vraie vie, ses vraies pensées. Elle eut un pâle sourire. Elle pensa qu'elle l'aimait trop pour ne pas forcer son amour. Martine ne s'aperçut de rien lorsqu'elle lui apporta son petit déjeuner. « Ça ne dérange pas, madame, si je m'absente ce matin ? » demanda-t-elle. « Je dois aller à la ferme de la Marnière pour acheter des graines. » « Allez, Martine, je n'aurai pas besoin de vous. » Elle se retrouva seule et se sentit étrangement détachée de tout ce qui l'entourait. Tout l'ennuyant, elle se laissa tomber sur une chaise longue dans le jardin et ferma les yeux pour mieux rester seule avec ses pensées. Elle y réussit à un tel point qu'elle n'entendit pas une voiture s'arrêter non loin de la maison. Une main poussa la grille à moitié fermée, un homme se dressa devant elle. « Annette, » dit-il. Il lui sembla que cette voix surgissait du passé. Elle lui fut odieuse. Elle résista. Non, non, ce n'était pas vrai. Elle rêvait. Il était impossible que l'être qu'elle haïssait le plus au monde fût là, tranquillement, et qu'il vînt porter le dernier coup à son bonheur déjà menacé. « C'est moi, Annette. Tu ne t'attendais pas à me revoir, n'est-ce pas ? À vrai dire, tu t'étais bien cachée et je ne t'aurais sans doute jamais découverte s'il n'y avait eu cette photographie sur le journal. La gloire a ses ennuis, tu vois ? Va-t'en, dit-elle seulement. Il n'en est pas question. J'ai fait un véritable voyage pour te voir. Nous avons un tas de choses à nous raconter. D'abord, je dois te dire que tu n'as pas changé. Toujours le même air angélique. À te regarder, on ne croirait jamais que tu as eu une vie si mouvementée. Non, tu n'as pas changé. Toi, si, répliqua-t-elle brièvement. Elle l'examinait avec une répugnance visible. Ce corps dégingandé, ce visage sillonné de rides et que des tics parcouraient, cette bouche qu'un rictus amenuisait et rendait dangereuse, c'était là une caricature du Robert Gardère qu'elle avait vue autrefois avec des yeux différents. « Que viens-tu faire ici » questionna-t-elle. « Te rappeler tes promesses. Tu as si mauvaise mémoire. »« Celui qui était entre nous est mort, » dit-elle. « Je ne te crains plus. »« C'est que tu me connais mal. » »« Écoute, j'ai fait ma vie. Je suis heureuse. J'ai un mari qui m'aime. Pourquoi détruire tout cela ?» Pourquoi t'en laisser profiter? Le mérites-tu plus que moi? Il n'y a pas si longtemps, j'étais encore en prison, alors qu'une autre personne, aussi coupable que moi, était en liberté. Tu avais juré de m'attendre. Tu ne l'as pas fait. Je me suis trouvé seul, sans argent. J'en ai, je t'en donnerai. Il faudra bien, mais cela ne me suffit pas. C'est toi que je veux, tu m'appartiens. Ne te souviens-tu pas des heures que nous avons passées ensemble? À cette époque, tu m'aimais, tu m'aimeras encore. Non, jamais. Qu'importe alors, il me suffira de t'aimer. Mais tu seras là, près de moi, toi, mon bien et ma récompense. Je préférerais mourir. D'un geste fou, elle s'était levée et courait vers le salon, s'approchait du petit secrétaire. Déjà, il l'avait rejointe. « Pas d'histoire, hein? Si tu allais te tuer, cela m'amènerait des complications. Et pour le moment, je désire me tenir tranquille. Écoute, je vais te quitter, je reviendrai bientôt. Tu auras eu le temps de réfléchir. Dans le fond, tu n'es pas tout à fait stupide. Tu sais de quel côté est ton intérêt. Adieu, Annette. À bientôt. Tu me reverras. » Chapitre 2. Annette s'habillait avec des gestes fébriles. Elle voulait quitter la maison, partir, échapper à son tourmenteur, se désintéresser de la peine qu'aurait Jacques. Une sorte de panique s'était emparée d'elle. Elle était incapable de raisonner. Juste à ce moment, le téléphone sonna dans la maison déserte. Elle décrocha l'appareil d'une main tremblante. Si c'était Jacques, elle sentait qu'il lui serait impossible de lui répondre. Mais la voix qui lui parvenait, éloignée par la distance, était celle d'un inconnu. « Madame Annette de Jean ?» demandait-elle. « Oui, c'est moi. Je suis venue à Paris pour vous voir, mais à la gare, on m'a dit que je ne peux atteindre votre maison que ce soir par le service d'autocar. Avez-vous une voiture ?»« Oui. Pouvez-vous me rejoindre tout de suite ? Je suis Gilles Rey, le metteur en scène. » « Je veux votre accord pour tourner mon premier crime. »« Impossible. Ce mot n'existe pas au cinéma. Votre prix sera le mien. »« On a assez parlé de ce livre. Je ne veux plus qu'il en soit question. »« Vous ferez ce que vous croyez devoir faire. mais consentez seulement à me voir. Je serais désolée d'avoir fait ce voyage inutilement. » Annette hésita. Gilray ajouta : « Je suis dans le hall de l'hôtel Regina. Je vous attendrai jusqu'à ce que vous veniez. » Déjà, il avait raccroché. Annette était indécise, mais son idée de partir fut la plus forte. Elle grimpa dans sa petite Peugeot, démarra et se dirigea vers la ville. En désordre, ses pensées se heurtaient dans sa tête. Si Jacques n'allait plus l'aimer, le supporterait-elle ? Pourquoi pas tout de suite ? Un coup de volant plus fort et elle irait briser la voiture contre un arbre. Plus que sa jeunesse et l'instinct vital, la retint l'idée de sa haine pour Gardère. Il fallait lutter, tout reconquérir. À cela, il n'y avait qu'une issue. Raconter à son mari ce qu'elle avait cru bon de lui cacher. Il comprendrait, il finirait par lui pardonner. Elle connaîtrait encore auprès de lui des minutes ineffaçables. Cette décision prise, elle se sentit soulagée. En arrivant à la ville, son premier soin fut de s'arrêter pour téléphoner à Jacques. La secrétaire de celui-ci lui affirma qu'il était absent. « Mais voyons, je croyais qu'il devait rester là toute la matinée. » « Il est venu à l'heure habituelle et il est reparti tout de suite. »« Bon. Y a-t-il un message à lui laisser ?»« Non, je retéléphonerai. » La jeune femme resta pensive. Encore une fois, tous ses plans étaient changés. Que s'était-il passé pour que Jacques, qui attendait ce jour-là un gros client, il lui en avait longuement parlé la veille, se fût absenté ? Cela avait-il un rapport avec son attitude de la veille ? À nouveau, l'angoisse l'habita. « Je vais attendre, » soupira-t-elle. Pour faire passer le temps, il ne lui restait qu'à aller voir Gilray. Après tout, le metteur en scène la distrairait de sa peine pour un moment. Et puisque le mal était fait, puisque le passé était ressuscité, autant profiter de la chance qui s'offrait. Si son mari refusait de se réconcilier avec elle, elle aurait besoin d'argent pour vivre. Dans le cas contraire, elle utiliserait cette somme pour dédommager Robert. Vis-à-vis de lui, elle avait contracté une dette. Brusquement, celui auquel elle pensait surgit devant elle. Il n'y avait rien d'étonnant à cela, car la ville était très petite et toutes ses rues tombaient comme des fleuves dans la mer, dans une artère principale où les mêmes gens passaient et repassaient. Annette avait arrêté sa voiture devant un de ses fournisseurs et se rendait à pied à l'hôtel Regina. Quoi d'étonnant à ce qu'elle rencontrât Robert. Sans la saluer, Gardère emboîta le pas à la jeune femme. « Alors, siffla-t-il entre ses dents serrées, as-tu réfléchi ?»« Oui, ma décision est prise. » « Bravo, nous pouvons partir tout de suite pour Paris. » « Il n'en est nullement question. Bien au contraire, j'ai l'intention de tout avouer à mon mari. » « Joli cadeau à lui faire à cet homme. Et que penses-tu qu'il décidera ?»« S'il me garde, je passerai ma vie à lui faire oublier celle que j'ai été et que tu me forces à lui découvrir maintenant. » « Et s'il te quitte ?»« Jamais je ne reviendrai vers toi. » Il sut qu'elle était sincère. Il jura à haute voix, faisant retourner vers lui deux paisibles promeneurs. Mais Annette ne broncha pas, insensible au scandale qu'il pouvait faire. Elle avait atteint un point où tout lui semblait indifférent. Elle n'avait plus peur de l'homme qui marchait à côté d'elle. En supprimant ses possibilités de chantage, elle croyait l'avoir désarmé. Si, à cet instant, elle eût regardé l'expression qui déformait son visage, elle eût changé d'avis. Mais elle marchait droit devant elle, comme un automate, et c'est avec une réelle surprise qu'elle s'aperçut tout à coup qu'il l'avait quittée en chemin. Elle eut un soupir de soulagement. De ce côté-là, l'affaire était réglée. C'est d'un pas plus léger qu'elle franchit la porte du Regina. D'un fauteuil confortable surgit Gilray. Selon les meilleures traditions, il portait une culotte de golf et des lunettes cerclées d'écailles. Il interpella joyeusement. « Hello, je savais bien que vous vous décideriez. » En effet, je vous écoute. 50 000 cash pour l'achat de votre œuvre, le double pour faire les dialogues. Est-ce tout ? Rit-elle, ahurie par l'énoncé de ces chiffres extravagants. Non. Il la regardait avec une étrange fixité. Elle était plus que jolie, curieuse, très personnelle, merveilleusement proportionnée. Et son regard était le plus chaud, le plus expressif, le plus étrange aussi qu'il eût jamais vu. Non, continua-t-il, ce n'est pas tout. Je vous offre un beau contrat si vous voulez tenir le rôle de l'héroïne. Elle sursauta. Moi ? Quelle idée ridicule ! Pas tant que cela. On a dû vous dire souvent que vous ressembliez à une petite fille, on a dû voir en vous la femme-enfant rêvée. Mais je suis certain que vous êtes autre chose. Vous seriez une criminelle rêvée. Elle se leva, réellement en colère cette fois. Cela suffit, monsieur, cette conversation me semble déplacée. Voyons, je parle cinéma, vous feriez une criminelle pour l'écran. Ne soyez pas choqué. En tout cas, laissons votre dernière proposition de côté. Pour le reste, je suis d'accord. Parfait, vous n'avez qu'à signer ce contrat. Elle s'étonna. Vous étiez si sûr de mon acceptation? Certain, vous voyez que j'avais raison. J'ai même préparé un chèque. 5 minutes plus tard, l'affaire était conclue. Ils échangèrent une poignée de main. Annette sentit qu'elle avait très faim. Depuis longtemps, l'heure du déjeuner était passée. Elle se dirigea vers le salon de thé, vide à 7 heures. Elle finissait de se restaurer lorsqu'elle vit son mari arrêté devant l'éventaire de la fleuriste qui se tenait dans le hall. Il choisissait des œillets pourpres. Des œillets, les seules fleurs pour lesquelles Annette se sentait une véritable répugnance. C'était donc pour une autre femme. Mais laquelle ? Était-ce possible qu'il eût une maîtresse ? Non, elle le connaissait trop bien. Il était incapable de mensonge. Il devait y avoir, à son geste, une raison toute naturelle, une politesse à faire. Jacques, ayant réglé son achat, se dirigeait vers l'ascenseur et disparaissait dans l'étroite cage. Annette eut envie de courir derrière lui, mais elle eut honte de son manque de sang-froid. Elle se contenta d'attendre à la même place, incapable de bouger. Les minutes s'égrenèrent lentement. Une heure se passa sans que Jacques fût redescendu. « Il vaut mieux rentrer, » décida-t-elle. « Ce soir, il m'expliquera. » Mais elle sentait une sorte de bête cruelle qui la mordait au creux de l'épigastre. Elle ne sut jamais comment elle rentra chez elle. À peine était-elle revenue qu'un orage éclata avec une terrible violence. Martine n'était pas rentrée. Seule dans la vieille maison, Annette guettait le retour de son mari. Plus qu'une demi-heure et il serait là. Elle irait à sa rencontre, se blottirait contre lui et se confierait. À son tour, il dissiperait son angoisse. Et tout en serait au même point qu'hier. Le bruit familier de l'auto la fit bondir vers la porte. « Annette ! » criait la voix de Jacques. « Me voici, mon amour ! » répondit-elle. Elle ouvrait le battant, s'élançait. « Brigitte m'a accompagnée. Elle est trempée. Occupe-toi d'elle, » dit-il brièvement. Et elle vit Brigitte ralliée, blonde, grande, un peu dédaigneuse, sûre d'elle-même et de son pouvoir sur les êtres, qui s'avançait. Contre son manteau ruisselant, elle tenait une botte d'œillet pourpre dont l'odeur poivrée et vivace monta vers elle. Chapitre 3. Les deux femmes s'affrontèrent du regard. Annette sentait qu'elle détestait Brigitte et que celle-ci le lui rendait bien. Pourtant, leur relation avait toujours paru amicale. Il y avait un an, à peine le couple était-il installé dans la vieille gentilhommière, que la jeune femme était apparue dans leur vie. Elle avait loué, à 2 kilomètres de chez eux, une villa où elle habitait de temps à autre. Elle était peintre, peintre de talent, et Jacques la connaissait depuis longtemps. Avec lui, elle semblait toujours un rien protectrice et Annette s'irritait de cette attitude. Brigitte leur faisait de rares visites. Parfois, Jacques montait jusque chez elle. Là s'arrêtait leur voisinage. Du moins, Annette l'avait cru. Mais alors, que venaient faire les œillets rouges dans cette histoire? Pourquoi Jacques les lui avait-il portés chez elle? Car, bien entendu, elle descendait à l'hôtel Regina lorsqu'elle était en ville. Pourquoi la ramenait-il ce soir alors qu'il savait que sa femme l'attendait impatiemment? Brigitte expliquait. « Je suis rentrée par l'autocar. La pluie m'a surprise. Heureusement, Jacques m'a recueillie. »« Vous avez pris froid, je suis sûre, fit Annette. Passez dans la salle de bain, je vais vous prêter une robe de chambre et mettre vos vêtements séchés. » « Vous êtes trop gentille, j'ai peur de vous déranger. » « Pas le moins du monde, mentit la jeune femme. Puis, se tournant vers son mari, « Tu es mouillée aussi, va te changer. » Jacques disparut sans rien dire. Il ne l'avait même pas embrassée. Annette conduisit l'invité dans la salle de bain. « Vous resterez dîner, fit-elle, je vais m'en occuper. » Le cœur gros, elle descendit à la cuisine. Il lui en avait coûté d'être aimable, mais elle avait préféré prendre les devants et ne pas attendre que son mari lui imposât Brigitte. Si Martine ne revenait pas, elle pourrait se débrouiller. Il y avait des œufs dans le garde-manger, du poulet froid et des haricots verts qu'il suffirait de réchauffer. Ayant mis un tablier, elle s'activa. Elle avait décidé d'être parfaite, de ne rien montrer de son trouble. Mais une menace était sur la maison, elle le sentait si violemment qu'elle remonta tout à coup à l'étage où se trouvait Brigitte. « Avez-vous besoin de moi ? » demanda-t-elle devant la porte fermée. « Non, je prends un bain chaud. C'est ce que vous avez de mieux à faire. » Annette poussa un soupir de soulagement. Heureusement, personne ne l'avait vue venir comme une folle, prise d'une impulsion soudaine. « Je redescends » cria-t-elle. Elle fit, en passant devant la table, un mouvement si brusque que le sac de Brigitte tomba sur le sol et s'ouvrit, laissant échapper pêle-mêle une boîte à poudre, des clés et un bâton de rouge. La jeune femme ramassa les objets épars et les remit à leur place. C'est alors qu'elle aperçut une liasse de lettres de l'écriture de Jacques. Elle en déplia une, la lut avidement. Au fur et à mesure que les mots prenaient un sens et s'enfonçaient dans son être comme autant de fléchettes venimeuses, elle pâlissait. « Brigitte, mon amour, j'ai été triste tout le jour sans toi, comme si, de t'avoir tenue si serrée, je m'étais sentie amputée de toi. Toi seule existes pour moi, tu le sais. » Les autres missives étaient du même ton. Annette n'eut pas le courage de les lire toutes. À quoi bon? Elle était fixée maintenant. Jacques lui avait menti sans cesse, comme elle lui mentait. Leur existence si merveilleuse, si tendre, n'avait été qu'un rêve. Il aimait Brigitte, elle était à lui. « Je suis prête !» lançait cette dernière au même moment. Rapidement, Annette prit les lettres, les cacha dans la grande poche de son tablier et s'obligea à sourire. Brigitte apparaissait, moulée dans le peignoir d'Annette, qui était trop étroit et révélait des formes parfaites. Qu'elle était belle ! Annette se demanda comment elle arriverait à lutter contre cette femme. « Comme vous êtes pâle, disait Brigitte, vous sentez-vous souffrante ? Non, non, je crois que j'ai faim, tout simplement. Mangeons alors, si c'est possible, car je tiens à rentrer chez moi assez tôt. « Je vais m'en occuper. » Dans l'escalier, Annette croisa son mari. Il s'effaça pour la laisser passer. Elle eut une envie folle de le prendre dans ses bras. « Jacques » murmura-t-elle. Il la regarda, esquissa un sourire. « Qu'y a-t-il ? » Elle sentit se courir de ridicule une scène d'attendrissement dans un escalier, alors que Brigitte les regardait de loin avec son sourire moqueur. « Nous passons à table tout de suite, » se contenta-t-elle de dire. Allez voir tous trois assis une demi-heure plus tard, devant le dîner appétissant, Nul n'aurait pu deviner le drame qui se jouait entre ces trois êtres. Brigitte menait la conversation d'une voix mondaine. Elle revenait de voyage et avait maintes anecdotes à raconter sur les pays qu'elle avait visités. Jacques lui donnait la réplique. Annette, heureusement très occupée, pouvait se contenter de placer un mot ici ou là, vacant de la salle à manger à la cuisine. Après le café, Brigitte se leva d'un bond. « Il est temps que je me sauve !»« Je vous accompagne, » dit Jacques en se levant. « Volontiers !» Elle remit ses vêtements déjà secs, remercia son hôtesse, et la voiture partit dans la nuit. Quelques instants plus tard, elle revenait. « Déjà ?» s'étonna Annette. « Le pont a été enlevé par l'orage, impossible de passer, » expliqua son mari. « Il faut que vous me logiez cette nuit, » lança Brigitte. « J'abuse vraiment de votre hospitalité. » « Ne dites pas cela, je suis ravie de pouvoir vous être utile, » protesta Annette. Au-devant d'elle-même, elle se sentait à bout de force. Elle ne désirait qu'une chose, se retrouver seule avec Jacques, et cela même semblait impossible. Elle lança à son mari un regard désespéré. Il eut un vague sourire amical qui la réconforta. « Nous n'avons pas de chambre d'amis, » expliqua-t-elle à Brigitte. « Il faudra vous contenter d'un divan dans le salon. »« Ce sera parfait comme cela, ne vous inquiétez pas. » Lorsqu'Annette, ayant installé leur voisine, remonta dans sa chambre, elle vit que Jacques l'avait déserté cette nuit encore. Elle se glissa dans les draps et resta immobile, comme pour donner moins de prise aux pensées folles qui l'assaillaient. C'est ainsi que le sommeil la surprit. Un sommeil si léger toutefois qu'il ne l'empêcha pas d'entendre, une heure plus tard à peu près, un bruit dans l'escalier. Elle ouvrit la porte de la chambre doucement et vit Brigitte qui sortait de chez son mari. Une colère folle monta en elle. Il lui sembla que toute sa vie de femme heureuse venait d'être souillée. Elle détesta Brigitte avec une telle fureur qu'elle se sentit l'âme d'une meurtrière. Oui, il fallait que cette femme meure. Le revolver était à sa place. Annette savait qu'elle ne raterait pas sa rivale. Au loin, l'orage recommençait à gronder. Chapitre 4. Ce fut Martine qui découvrit le cadavre en regagnant la maison de ses maîtres. L'orage l'avait retenue à la marnière, mais elle s'était levée de bonne heure pour qu'il ne souffrisse point de son absence. Elle prenait sa tâche au sérieux et déjà l'idée qu'elle n'avait pas préparé le dîner la veille la couvrait de confusion. Elle regarda le corps de Brigitte étendu dans le lit. À la tempe, un caillot durci montrait l'endroit par où la balle était entrée. La belle tête blonde était penchée et du sang avait couru sur les dalles rustiques dont la pièce était recouverte. La servante ne cria point. Si elle était effrayée, ce n'était pas par la morte, mais pour Jacques et Annette. Elle les aimait, elle aimait surtout vivre dans l'orbe enchantée de leur bonheur. Elle ne comprenait pas le drame, mais elle le pressentait obscurément. Elle avait toujours senti une sorte de répulsion pour Brigitte Allier, qui affichait des airs de propriétaire vis-à-vis de Jacques. Quoi d'étonnant que la femme de celui-ci... Mais il fallait faire quelque chose. Restée au pied de l'escalier, elle appela à voix haute. Deux portes s'ouvrirent simultanément. Jacques descendit, suivi d'Annette. La servante s'effaça et ils virent en même temps le sinistre tableau. Annette était si pâle qu'elle ne put pas lire davantage. Jacques regarda sa femme profondément, comme pour la laisser lire en lui. D'un même geste, ils se rapprochèrent l'un de l'autre et leurs mains se rejoignirent. « Faut enlever ça !» dit Martine avec force. « À quoi bon ?» répliqua Jacques. « On ne peut pas lutter contre la police. Elle est toujours la plus forte. » Martine haussa les épaules. « Plus forte que trois ? Quelle blague ! En tout cas, on pouvait toujours essayer au point où on en était. « Vous paierez quand on présentera la note, » bougonna-t-elle. « En attendant, j'ai un plan. » Elle l'exposa en phrases brèves. Quand elle eut fini, Annette implora son mari. « Faisons ça, Jacques. S'il y a une chance de se sauver, il faut la tenter. Je ferai ce que tu voudras, mais je n'ai guère d'espoir. » Elle resserra la pression de sa main. Elle ne voulait pas le perdre, c'est tout ce qu'elle savait. « Faut faire vite, » continua Martine, « elle est déjà raide. » D'un pas ferme, elle descendit vers la cuisine et remonta peu après, tenant sous son bras une toile cirée roulée. « Avant de la mettre là-dedans, il s'agit de l'habiller, » continua-t-elle. Tendue et horrifiée, incapable de faire un mouvement, Annette regarda son mari et la servante dévêtir le corps de la morte de la chemise de nuit qu'elle portait, sa chemise. Un instant, l'éblouissante blancheur de ce corps parfait lui fit fermer les yeux. Elle les rouvrit. Brigitte semblait se défendre contre les mains qui s'acharnaient à la vêtir. D'imaginer la froideur de cette peau et sa dureté fit naître une nausée en elle. Dans un mouvement fou, le sol monta au-devant de ses yeux. Mais ce n'était pas le moment de s'évanouir. Le regard de reproche que lui lança Martine la fit se ressaisir promptement. Enfin, le visage nu et cireux, cette bouche entr'ouverte, ses yeux braqués sur elle sous les paupières demi-closes, disparurent. La morte fut ficelée dans sa toile. Annette fit une inspiration profonde. La servante s'activait comme si, toute sa vie, elle eût attendu cette minute où elle devait être la complice d'un assassin. À genoux maintenant, elle lavait à la brosse dure les traces de sang laissées sur le parquet. « Amenez la voiture, madame, » dit-elle. Annette obéit. Tenant le cadavre serré contre eux, le maître et la servante l'installèrent tant bien que mal sur le siège arrière. « Allez du côté de la combe aux chevaux, » commanda Martine. C'est là où le pont avait été enlevé la veille qu'ils jetèrent, dans le fleuve tumultueux, le cadavre de Brigitte Allier sorti de la toile cirée qui l'enveloppait. Personne ne les avait vus, ils en étaient sûrs. Peut-être échapperaient-ils au scandale, à la justice, au châtiment. Ils rentrèrent sans échanger un seul mot. Déjà, l'aube froide et violette donnait aux choses une vie nouvelle. « Maintenant, il faut te coucher, Annette, » dit Jacques. « Tu ne tiens plus debout. » Sans attendre sa réponse, il la prit par le bras et l'entraîna dans sa chambre. Dès qu'elle fut étendue sur son divan, elle attira son mari vers elle. « Il faut que je te dise tout. » « Oui, nous ne devons plus rien avoir de caché l'un pour l'autre. » Si cruelle que doivent être la réalité. Quand tu m'as connue, je t'ai aimée tout de suite, tu le sais. Et tu m'as aimée. Ta venue dans mon existence était si miraculeuse que je n'ai pas eu le courage de refuser la destinée que tu m'offrais. Or, à ce moment, j'ai été lâche. Te dire les heures et les drames que j'avais vécus fut au-dessus de mes forces. » En prononçant ces mots, elle avait l'air si désespérément grave que Jacques, incapable de la voir souffrir, eut envie de lui dire de se taire. Mais il se retint. Il savait que l'existence ne serait plus possible entre eux s'il n'était maintenant d'une franchise absolue. « J'ai été jusqu'à 10 ans une petite fille très heureuse, » continua Annette. « Mon père était médecin, nous vivions dans l'aisance. J'étais gâtée autant qu'on peut l'être. » Puis tout changea. Mes parents ne s'entendirent plus. Je ne sais au juste comment cela commença. Ma mère était une très belle femme et mon père en était jaloux. C'était un être faible qui promettait s'en tenir, disait une chose et en faisait une autre. Au fond de lui-même, il détestait cette profession, lourde de responsabilités, qu'il avait embrassée. Ma mère se détacha de lui. Elle en aima un autre. Eut-elle l'intention de quitter son foyer et d'abandonner son enfant? Mon père le prétendit et des lettres en firent foi au procès. Quoi qu'il en soit, il dut en être certain, puisqu'il tua ma mère, une nuit, au cours d'une scène d'une telle violence que les échos m'en parvinrent jusque dans mon petit lit d'enfant. La main de Jacques serra celle d'Annette fortement, comme s'il eût voulu lui passer un peu de force. Elle répondit à sa pression tout en continuant son récit. « Mon père en prison, ma mère morte, un vague parent me mit dans une pension en Suisse. Je ne sus que plus tard que mon père avait été acquitté. Les crimes passionnels paient moins cher que les autres, bien qu'ils soient aussi affreux. » L'image de Brigitte qu'emportaient les flots passa devant eux. Mais il ne demanda pas à me revoir. Peut-être ne s'en sentait-il pas le courage, car je lui rappelais trop son passé. Plus tard, je sus par lui sa vie misérable. Bien qu'acquitté, il perdit sa clientèle et tomba de plus en plus bas dans l'échelle sociale. Ma pension n'était plus payée, on me garda par charité dans l'institution où j'étais. Seulement, en retour, j'aidais aux soins du ménage et de la lingerie. J'étais, parmi les jeunes filles riches qui m'entouraient, une sorte de paria. Je me renfermai sur moi-même et devins une sorte d'animal peureux et timide. Le travail était ma seule distraction. Comme je pensais souvent à l'avenir, un avenir combien terne et triste, un avenir de solitude, je décidai d'apprendre un métier. Si je suivis des cours d'infirmière, je crois que c'est plus par souvenir de mon père que par vocation vraie. Au fond de moi, il était mon unique amour. De rares fois, je recevais une carte de lui. Je la lisais et la relisais et sentais plus profondément ce qu'avait de douloureux mon existence sans tendresse. Or, je venais d'avoir 18 ans quand, c'était la première fois depuis mon arrivée au pensionnat, on me demanda au parloir. Dans l'homme, déjà vieilli sous ses cheveux blancs, je reconnus tout de suite mon père. Je me jetai dans ses bras. Il ne parut pas surpris de mon émotion et de ma fougue. M'ayant examiné, il sourit. « Te voilà une grande fille maintenant, il est temps que je t'emmène. Avec toi, suffoquai-je. Bien sûr, cependant, je dois t'avouer que je ne suis pas riche. Il faudra travailler. Je travaillerai, je ferai ce que tu voudras. » J'ai trouvé une situation de garde-malade auprès d'une de mes clientes. Tu n'auras pas grand-chose à faire. Et puis, je te guiderai. Tu seras là ? Oui, la personne en question habite un château non loin de Chartres. J'y passe presque tout mon temps. C'est là que tu vivras. Comme je suis heureuse, père ! C'était vrai, il me semblait exister, maintenant que je retrouvais un foyer, un appui, un être à aimer. Car le drame de mon adolescence, c'était cela, n'avoir personne à chérir. Si l'on ne vit que pour soi, comment peut-on s'intéresser à sa propre existence ? J'eus tout de suite, vers mon père, un élan total. Je lui donnai mon cœur. J'étais sa chose. Je voulais seulement lui obéir en tout et le rendre heureux. Ma nouvelle vie commença donc. Le château, une vieille bâtisse du XIIIe siècle, était enfoui dans la verdure et caché du reste du monde. Madame de Merfond, la malade dont je devais m'occuper, était une très vieille dame qu'une maladie de cœur tenait alitée. Elle s'était entichée de mon père et qui la soignait. Nous vivions presque entièrement avec elle. Mais chaque semaine, son neveu, Robert Gardin, venait la visiter. Dès que je le vis, j'éprouvais pour lui une vive antipathie. Mes premiers sentiments me trompent rarement, mais j'arrive à les oublier. Robert, qui était beaucoup plus âgé que moi, me fit aussitôt la cour. Ce mot est absurde appliqué à lui. Il ne me courtisait pas vraiment, mais il me harcelait de ses moqueries ou de ses attentions. Comme je l'avais rabroué un peu rudement, mon père m'en fit la remarque. « C'est grâce à lui que nous nous trouvons ici, » me dit-il. J'essayais docilement d'être plus aimable, et cela me fut assez facile, car après tout, nous vivions très solitaires, mon père et moi, et la compagnie de Robert Gardin m'était une distraction. Je connus très vite ses défauts et ses vices, car il ne les cachait point, loin de là. Il était paresseux et joueur. Il avait toujours vécu aux dépens de sa tante, qui, lasse de ses demandes, lui refusait à présent des subsides. Pourtant, elle était immensément riche et il se trouvait être son seul héritier. Ma malade, bien que soignée attentivement, allait de mal en pis. Et je n'avais pas été sans remarquer que ses crises augmentaient d'intensité lorsqu'elle avait pris un certain médicament prescrit par mon père. Un affreux soupçon naquit en moi. Plusieurs jours de suite, j'évitai de lui donner la drogue que je jetai dans le lavabo et elle s'en trouva bien mieux. Mon père m'interrogea, j'avouai, très vite. « Ce que tu fais là est absurde, m'expliqua-t-il. Si elle est plus mal pour le moment, c'est que la potion est difficile à assimiler. Mais une fois la cure terminée, elle sera beaucoup mieux. Il faut suivre mes prescriptions scrupuleusement. » Je le fis, mais par plusieurs indices qui, j'étais sûr, ne me trompaient pas, j'en vins à croire qu'on voulait l'assassiner. Je ne te dirai pas dans quel effroi je vécus, mais j'obéissais docilement, tentant de me persuader que mon imagination m'emportait trop loin. Madame de Merfond mourut brusquement. Robert hérita. « Qu'allons-nous devenir ? » demandai-je à mon père. « Ne t'inquiète pas, nous avons de quoi vivre désormais, » répondit-il. Ces mots résonnèrent en moi comme un glas. Quelques jours plus tard, une lettre anonyme, envoyée par une ancienne servante mise à la porte, mit la police sur la piste. L'autopsie révéla que la malade avait été empoisonnée. Tout de suite, on soupçonna son héritier. Quand je le sus, je passai une nuit affreuse. Je savais que mon père avait agi de concert avec lui. Que pouvais-je pour lui ? J'allais trouver Gardère dans sa chambre. Mes supplications le laissèrent impassible. « Naturellement, votre père est coupable, m'affirma-t-il, et vous passerez pour notre complice. Qui puis-je ? » Je m'affolai. « Ils n'ont pas de preuves, nous nous en tirerons, m'affirma-t-il. » « C'est trop grave pour lui, après ce qui s'est passé, lui expliquai-je. » Il finit par céder et par me jurer qu'il innocenterait mon père s'il était arrêté. Mais il posa une condition, que je l'attende lorsqu'il sortirait de prison. Je promis, je ne songeais qu'à sauver mon père. Cela ne lui suffit point, il voulut une preuve, et c'est pourquoi, cette nuit-là, je devins sa maîtresse. Il fut condamné, il se tut, mon père mourut peu de temps après, et je me retrouvai seul. C'est alors que nous nous rencontrâmes. Lorsque je fus devenue tienne, j'essayai d'oublier. J'y réussis mal sans doute, puisque j'eus l'idée, pour me débarrasser des pensées qui me hantaient, d'écrire ce livre qui fut la cause de notre première brouille. Alors, les choses se précipitèrent. En quelques phrases, elle raconta à son mari la journée de la veille, puis elle en vint à la rencontre dans le hall de l'hôtel Regina et la découverte des lettres de Jacques. « Les voilà !» dit-elle à son mari en les sortant de sous son oreiller. « Comment ? C'est toi qui les avais ?»« Oui, lorsque j'ai vu Brigitte sortir de ta chambre, je me suis affolée. Ainsi, mes luttes et mes souffrances étaient inutiles. Tu en aimais une autre. Je suis descendue quand j'ai pensé qu'elle était endormie. J'ai pris le revolver et... » Jacques lui mit la main devant la bouche pour l'empêcher de parler. « Chut ! Ne dis plus rien. C'est à moi maintenant de tout avouer. » Je t'ai aimé vraiment, ma chérie, et jamais je n'ai pensé à te tromper. Ma liaison avec Brigitte date d'avant notre mariage et ces lettres sont de vieilles lettres sans importance. Je t'avoue, après avoir lu ton roman, je me suis sentie ulcérée contre toi. Tu m'avais caché une partie de toi-même, je le sentais. Je partis furieux. Or, ce même matin, Brigitte téléphona à mon bureau. Elle voulait me voir immédiatement. Je me rendis chez elle, une rencontre imprévue fit que j'y arrivais très tard. « Je vais me marier, m'expliqua-t-elle, et j'ai besoin des lettres que je t'ai écrites. » « Elles sont chez moi. »« Bien, tu me les donneras ce soir, je te rendrai les tiennes. » J'étais heureux car cela impliquait un échange et depuis longtemps j'avais envie de voir revenir entre mes mains mes propres lettres. Jusqu'alors, elle avait refusé de me les rendre. Nous décidâmes de rentrer ensemble et, il le fallait bien, de te mentir. L'orage nous fournit un prétexte valable. Le soir, Brigitte me rejoignit dans ma chambre alors que tu étais couchée. Je lui redonnai ses lettres. « J'ai égaré celles qui t'appartiennent, me dit-elle. » Je crus qu'elle mentait puisque les lettres étaient en sa possession dans l'après-midi et qu'elle me les avait montrées. Mais je ne dis rien, j'entendais agir dans la nuit. « S'il fallait voler, je volerais. J'avais peur de sa méchanceté, je savais qu'elle te haïssait. Je descendis, elle dormait. En me dirigeant dans l'obscurité, je m'appuyai contre le divan et je sentis sous ma main ton revolver. Alors ? Chut ! Jacques se tut. Annette l'avait pris dans ses bras et le couvrait de baisers. Elle ne voulait pas entendre la fin de sa confession. Elle aussi avait eu des pensées meurtrières. Au moment d'agir, elle s'était sentie trop faible. Le revolver était tombé de ses mains sur ce divan où son mari l'avait ramassé. « C'est ma faute, Jacques » murmura-t-elle. Et elle se désespérait à l'idée que sa hâte et sa sottise avaient fait de son mari un assassin. Chapitre 5. Une semaine avait passé depuis le drame. Le temps était magnifique et les arbres portaient, comme une étrange floraison, des oiseaux gazouillants à chaque branche. De longs silences avaient remplacé à la gentilhommière les bavardages habituels. Mais Jacques retrouvait chaque soir Annette dans son lit et leurs enlacements avaient quelque chose de grave et de désespéré à la fois. Ce matin-là, la jeune femme et Martine étaient dans le jardin quand passa un curieux cortège. Devant marchait un vieux berger, derrière suivaient deux hommes portant un brancard sur lequel était étendue une forme voilée d'un drap. Et pour fermer la marche, venait Belcassan, le gendarme du village proche. Il s'arrêta au portail. « Une triste histoire, expliqua-t-il. On a trouvé Madame Allier sur la berge du fleuve. Sa mort remonte à plusieurs jours, car elle est dans un état pitoyable. Sa tête s'est presque entièrement fracassée sur les roches. » « C'est affreux !» dit Martine, tandis qu'Annette cachait son visage dans ses mains d'un geste instinctif. Lorsque les deux femmes se retrouvèrent seules, Martine gourmanda sa maîtresse. « Faut faire attention, madame, ou tout le monde saura que vous êtes coupable. » Annette retint la protestation. Chapitre 6. Martine était certaine que son maître était innocent. Elle s'en était ouverte à Annette, revenue à la gentilhommière depuis la veille. « Puisque ce n'est pas moi, avait gémi la jeune femme, ce ne peut être que lui. Il a avoué. Vous aussi. Je voulais le sauver. Et s'il s'était accusé pour vous sauver, lui aussi. Mais qui aurait tué Brigitte ?» Qui ? Martine se posait à nouveau la question. Le matin même, en jardinant, elle avait trouvé, enfoui dans la terre qui entourait un cactus géant, le revolver qu'elle connaissait bien. Elle n'en avait rien dit à personne. Bribe par bribe, elle avait arraché à sa maîtresse le récit détaillé de la journée tragique. Cela ne lui apprenait pas grand-chose. Martine n'avait jamais lu de roman policier. Ses seules lectures étaient celles du journal local. Mais elle possédait un ferme bon sens qui lui servait de logique. Et c'est pourquoi elle décida de mener elle-même son enquête. S'étant habillée comme pour aller à la messe, elle partit à la ville, le revolver dans le sac. La plume de son chapeau au vent, elle adorait les plumes, elle se rendit à l'hôtel Regina. Entrée par la porte de service, elle déjeuna à l'office avec la cuisinière qui était de son village. On parla de Brigitte Allier, et elle apprit que Pierre Barral était son amant et que tous deux avaient eu, la veille du meurtre, une dispute dont les échos n'avaient pas été muets pour la domesticité. « Et s'il avait tué » dit-elle. « Impossible !» affirma un maître d'hôtel. « Il a mangé dans sa chambre à 8 heures et a joué au bridge toute la nuit avec 3 autres amis qui l'ont rejoint. J'ai été à plusieurs reprises leur servir à boire. » La valeur de l'alibi s'imposait entière à la servante. Le meurtrier de Brigitte l'avait suivi à la campagne. Donc Barral était innocent. Alors qui ? Elle repoussait l'idée d'un vagabond tuant pour rien, gratuitement. Il ne restait qu'un élément étranger à l'affaire, Robert Gardère. Mais pourquoi aurait-il voulu se débarrasser de Brigitte alors que c'est à Annette qu'il en voulait ? Poussant un soupir insatisfait, elle se mit à sa recherche, sans même savoir s'il était encore là. Vers la fin de la soirée, pénétrant dans un hôtel de 4e ordre, elle avait visité tous ceux de la ville, elle s'entendit répondre « Monsieur Gardère, troisième étage, chambre 23. » Martine monta l'escalier sans tapis, aux marches usées par les pas. Arrivée devant la porte où s'inscrivait le numéro donné, elle frappa. Personne ne répondit. Sans hésitation, elle entra et elle aperçut un homme très pâle, couché dans un lit en désordre. Il semblait avoir perdu connaissance. Martine était prompte à se décider. Avec des gestes précis, elle le ranima. Puis, ayant appelé la Souillon qui desservait l'étage, elle fit mander un médecin. En l'attendant, elle rangea la chambre, tout naturellement, et refit le lit du malade. Celui-ci ouvrait les yeux. « Ne parlez pas, ne vous fatiguez pas, » chuchota-t-elle en se penchant sur lui. « Je vous soignerai. »« Pourquoi êtes-vous là ? » demanda-t-il. Elle haussa les épaules. Il n'y avait pas de pourquoi. Martine était humaine, voilà tout. Et elle avait déjà oublié la tâche qu'elle s'était imposée pour ne penser qu'à celle qui la sollicitait maintenant, porter aide à celui qui avait besoin d'elle. Le docteur ausculta Gardère, lui fit une piqûre et rédigea son ordonnance. Sur le palier, il expliqua à Martine « Crise d'angine de poitrine, le cœur flanche, je ne crois pas qu'il tienne longtemps. Ne voulez-vous pas le faire transporter à l'hôpital ?»« Non, je m'occuperai de lui. Je reviendrai demain. » Ayant fait prévenir à la gentilhommière qu'elle ne rentrerait pas, Martine s'installa au chevet du mourant. Était-il coupable ? Allait-il, dans son délire, laisser échapper une phrase qui trahirait son secret ? Mourait-il sans qu'elle sache ? Mais l'homme ne délirait pas. Il la suivait des yeux, avec parfois une lueur d'angoisse. « Qui êtes-vous ? » lui demanda-t-il alors qu'elle l'aidait à boire. « Martine, la servante d'Annette de Jean. » Il repoussa la tasse d'un geste si brutal qu'il lui arracha un cri de douleur. « elle est morte !» Martine le regarda, étonnée, crut qu'il divaguait, mais il n'avait pas de fièvre. Devenait-il fou ? Elle ne répondit rien. Gardère, les yeux exorbités, haletant, une main sur ce cœur dont il semblait vouloir retenir les battements, réussit à bégayer. « Elle est morte, et c'est moi qui l'ai tuée !» De grosses larmes glissèrent sur ses joues. Il retomba sur l'oreiller, à bout de force. Martine s'affola. Il ne fallait pas qu'il succombe, pas avant d'avoir avoué. Elle comprenait tout. Gardère était l'assassin. En tirant sur Brigitte, il avait cru supprimer Annette. Il s'était glissé dans la pièce, il avait pris le revolver, un corps de femme dans un lit, ce ne pouvait être qu'elle. Il avait visé, l'orage avait repris de plus belle, on n'avait pas entendu le coup de feu, dont le bruit s'était confondu avec celui du tonnerre. Rentré dans son hôtel, il était tombé malade. Déjà son cœur était usé par la vie qu'il avait menée et par ses années d'emprisonnement. Son geste meurtrier l'avait achevé. Il n'avait pas lu les journaux, malade et délaissé comme il l'était. Pour elle, il n'y avait plus de mystère. Mais il fallait des preuves pour délivrer Jacques, on ne la croirait pas sans cela. Gardère semblait mort. Tout était donc perdu. Juste à ce moment, on frappa. Elle courut ouvrir la porte et accueillit le médecin comme un sauveur. « Il faut le prolonger de quelques minutes. Il doit parler. Je vous expliquerai. » L'homme de science fit une piqûre sans rien demander. Il s'éloignait quand Martine lui fit signe de rester. Il s'immobilisa près de la porte, toujours silencieux. Gardère reprenait connaissance. Alors, la servante prit le revolver qu'elle tenait dans son sac à main et le lui montra. « C'est avec cette arme que vous avez tiré, n'est-ce pas ? » interrogea-t-elle. « Vous l'avez retrouvée dans le jardin où je l'ai enterrée ?»« Oui. » Il reprit son souffle, puis d'une voix plus forte. « Je sais que je suis fichu. Je suis content qu'elle soit morte. Je vais aller la rejoindre. » Martine eut, une seconde, l'idée de laisser le mourant s'illusionner. Mais ce n'était pas possible. Elle fut cruelle. Penchée sur lui, elle lui expliqua sa méprise. Il s'était trompé de victime. « C'est affreux !» soupira-t-il. « Maintenant, vous pouvez la sauver, lui rendre le bonheur. » Et pourquoi serait-elle heureuse? Je n'ai jamais eu de chance, moi. Finissez bien votre vie, supplia-t-elle. Cela m'est égal. Martine prit son chapeau et, d'un ton décidé, « Dans ce cas, je pars. » « Non, restez. » Il avait peur d'être seul pour mourir. Cette présence bonne et attentive l'aidait. Il ne voulait pas la perdre. « Je ferai ce que vous voudrez, » dit-il enfin. Le chapeau emplumé rejoignit le porte-manteau. La douce main de Martine glissa sur le visage du moribond. « Vous allez tout raconter au docteur, il l'écrira et vous signerez le papier. » En bonne paysanne, elle savait la valeur des papiers dûment signés. Gardère s'exécuta. Martine avait deviné juste. Elle n'apprit que quelques détails. L'assassin était venu par l'autocar, mais s'était arrêté à un village éloigné de 10 kilomètres. Il avait fait le reste du chemin à pied sous la pluie. S'étant couché dans le garage, il s'était endormi. Vers 3 heures du matin, il s'était dirigé vers la maison dont la porte d'entrée n'était pas fermée. Sur le seuil, il avait enlevé ses chaussures pour ne laisser aucune trace de pas. Une veilleuse donnait une faible lumière. Il avait vu une forme endormie. Ayant trouvé sans peine le revolver dans le secrétaire, il avait tiré et il était reparti à son point de départ. Après, il était tombé malade et il serait mort sans parler et sans rien savoir de sa méprise si Martine n'était venue. Martine rentra 3 jours plus tard au village. Elle venait de suivre, seule et attristée, l'enterrement de Gardère. Il était mort, réconcilié avec les hommes et avec Dieu, car le prêtre qu'elle avait amené à son chevet avait su trouver les mots simples qui touchent ceux qui vont quitter la vie. Un double cri de joie accueillit son arrivée. Annette et Jacques, libérés depuis peu, l'embrassèrent à tour de rôle. « Vous m'avez sauvée, Martine, » fit Jacques. « C'est vrai, monsieur, mais pourquoi avez-vous voulu vous perdre ? Vous auriez mieux fait de vous expliquer avec madame. Avec tous vos mensonges, l'un croyant l'autre coupable et s'accusant pour lui, je n'arrivais plus à m'y reconnaître. Que s'est-il passé au juste ? » Annette voulait tuer Brigitte. Elle n'en a pas eu le courage au dernier moment. Je suis descendue dans le salon, peu de temps après elle, pour chercher les lettres. En tâtonnant, la veilleuse éclairait à peine, j'ai trouvé le revolver sur le divan et l'ai remis à sa place. Je suis remontée sans rien avoir trouvé. Quand ma femme m'a dit qu'elle avait tué, ou quand plutôt j'ai arrêté ce qu'elle croyait être un aveu sur ses lèvres, j'ai cru comprendre qu'à ce moment, Brigitte était déjà morte. Au contraire, elle m'empêchait de parler pour ne pas entendre de ma bouche que j'étais coupable. « C'est bien embrouillé, tout ça, » soupira la servante. « J'espère que vous et madame vous tiendrez tranquille maintenant. »« Nous promettons d'être sages, » dirent-ils en même temps. « Et puis, » continua-t-elle d'une voix ferme, « il y a encore une chose que je voudrais vous demander. » « Ce que vous voudrez, Martine. »« Eh bien, que madame n'écrive plus de romans policiers. Vous voyez où ça mène, de fréquenter des assassins, même sur des livres. » Fin de Mon premier crime, une nouvelle de Michel Nicolaï.